le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. When he got to poke the phone, you know it really blows my mind. I à 21h sur Sorgi FM.

de Ludo, vendredi, samedi, 21h, 23h. In The Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgi FM. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Chaudet, narguilé, chez Mario, tout oublié. La nuit.

retourne dans les souvenirs. Un peu plus français, on va dire. Philippe Rousseau, la magie noire dans les années 80. Bonne soirée à vous, c'est Ludo qui vous emmène. Et on est là tout l'été, vendredi et samedi soir, 21h, 23h. Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. We'll be right back. Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur SorgieFM. SorgieFM. SorgieFM. SorgieFM. SorgieFM. SorgieFM. SorgieFM. SorgieFM. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Belle vue sur la ville tombée. Mangez pas. Sur l'année 82 avec monsieur Richard Gottener. C'est très beau, mais on sait pas les pas. Pour mouiller nos liquettes, on a un plan extra. Le mix de Ludo, vendredi, samedi, 21h, 23h. Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh. camisa de azul. Vamos a la playa. Samedi à 21h sur Sorgier FM. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We are living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We are dancing like in a Dolce Vita, with lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita, nobody else than you. Le mix de Ludo. Direction l'année 89 avec Sonia, Listen to your heart. C'est mieux quand on articule Listen to your heart. Telling everybody I don't know. Make a bad one good, make your own one right. Power of love,

I think I see you. samedi à 21h sur GFM. Le mix de Ludo. Let me think about it.

and its call reflected onto the wet pavement. Can you see what I see? The trembling image of my eyes that are still free. I pass through noise and silence. I walk along. It's a beautiful day. It's raining and it's cold. Reflected onto the wet pavement. On l'avait connu avec Free From Desire. Voici Gala, son deuxième single, Let's a Boy Cry. And they say still, I choose gold. I'm not afraid to be alone. Someone will judge his gentle soul. Let the boy cry, and he will know. And they say silver, I choose gold. The Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Sorgia FM. Sorgia FM. Sorgia FM. Sorgia FM. Sorgia FM. Sorgia FM. Sorgia FM. Sorgia FM.